travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Et je pourrais être avec le peuple encore. Si le peuple est rejeté dans la rue et acculé dans la bataille. Je regarde le ciel du côté où je sens Paris. Il est d'un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, enfin, je vous retrouve pour une émission inédite et j'en suis bien content. La perversité du virus nous a obligés, depuis le début de mars dernier, à puiser des rediffusions parmi les 800 émissions, le nombre est approximatif, que nous avions réalisées depuis 1999. À présent, voici un nouveau départ, à l'aube d'une 22e saison dont j'espère bien qu'elle pourra demeurer neuve continuellement. Nous allons l'inaugurer avec un personnage dont la démarche, les passions, les actions demeurent vivantes. Il s'agit de Jules Vallès. Un journaliste, un écrivain qui déploya ses combats depuis la fin de la monarchie de Juillet et la révolution de 1848 jusqu'aux premières années de la Troisième République en passant par la Commune de Paris qui fut pour lui essentielle. Il a les honneurs de la bibliothèque de la Pléiade pour la trilogie d'une autobiographie romancée qui s'intitule « L'enfant, le bachelier, l'insurgé ». Il avait choisi d'intituler son premier livre, un recueil d'articles paru en 1865, « Les réfractaires ». L'adjectif lui va bien. Il le préférait d'ailleurs au terme de « rebelle » ou de « révolté » qu'on lui a souvent accolé. « Insoumis » ne serait pas malvenu non plus, et d'ailleurs on invoque souvent aujourd'hui le patronage de Vallès dans le parti que dirige Jean-Luc Mélenchon. La société où il a grandi, celle de la seconde révolution industrielle qui fut si dure aux prolétaires et qui porta l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, cette société où la circulation de l'information, des indignations, de la propagande se fondait exclusivement sur l'écrit et était si étroitement surveillée, cette société était d'une nature bien différente de la nôtre. Et pourtant, nos angoisses contemporaines peuvent susciter des cris qui ne sont pas sans faire écho aux siens. Mon invité, Céline Léger, docteur en lettres modernes, appartient à la nouvelle génération des spécialistes de Jules Vallès, auquel elle vient de consacrer une thèse remarquée. Cet homme à peau de bête, coiffé comme un pendu, que la pluie glace, que la vapeur brûle, debout sur la locomotive, coupant le vent, avalant la neige, mécanicien, chauffeur, c'est le peuple. L'animal qui là-bas dans les champs redresse son échine cassée et levant son cou maigre aux muscles tendus comme des cordes, regarde d'un œil terne le wagon qui s'enfuit. Le paysan, brun comme une feuille de vigne ou blanc comme une rave, c'est le peuple. Ce barbu aux épaules larges, à chapeau de goudron, qui sur la rivière muette mène dans le courant le radeau de bois noyé, seul entre le ciel et l'eau. Le flotteur mouillé jusqu'au ventre et perclus jusqu'au cœur, c'est le peuple. Ce mineur qui vient la lampe accrochée à son front, traverser la chambre du feu grisou, et qui est resté l'autre jour enfoui 10 heures sous un éboulement, on ne voyait que ses grands yeux blancs dans le trou noir, ce mineur c'est le peuple. Ce couvreur qui tombe du toit comme un oiseau mort, ce verrier dont la vie fond avec le verre dans le brasier, ce tourneur que la poussière de cuivre étouffe, ce peintre que la céruse mord, ce mitron pâle comme sa farine, c'est le peuple. Il suffit à tout, contre l'eau, le vent, la terre et le feu, ce peuple héroïque et misérable. C'est de ce peuple-là que nous allons parler. Céline Léger, bonjour. Bonjour. C'est ce peuple-là dont nous allons parler, nous aussi, tant il est central dans l'œuvre, dans la vie, dans les préoccupations de Jules Vallès, votre grand homme. Le peuple, c'est le titre d'ailleurs d'un de ses journaux, un autre s'appelant fameux « Le cri du peuple ». Tout à fait. C'est un extrait très intéressant que vous venez de diffuser là. C'est un extrait d'un journal fondé par Vallès en 69, où il dresse véritablement un portrait collectif du peuple de l'époque. C'est un portrait à la fois moderne et traditionnel. Moderne par son ton, qui est plus conquérant qu'avant. Le contexte est plus favorable à la polémique en 69 que quelques années auparavant. Vallès est plus libre de parler. On est passé de l'empire autoritaire à l'empire libéral. Tout à fait. En même temps, avec des images traditionnelles du peuple qu'on retrouve. Mais l'ouvrier a pris place cette fois-ci aux côtés de l'artisan, ce qui est nouveau chez Vallès. Et puis, je trouve qu'on peut aussi souligner l'actualité du propos, puisque malgré les images traditionnelles qu'il propose, on découvre ici une définition du peuple par son corps, un corps qui souffre, un corps qui subit un travail pénible quotidiennement. Et cette définition des souffrances du peuple par le corps, je trouve qu'elle est encore extrêmement percutante aujourd'hui pour peut-être nous aider à savoir ce qu'est le peuple. Un peuple de travailleurs. J'ai eu le goût de vous inviter, notamment parce que j'ai lu que dans un entretien, Céline Léger, vous disiez que le discours valaisien, le discours de Jules Vallès, vous semblait très moderne et éminemment utile, à propos notamment des inégalités sociales et d'un déficit démocratique. Voilà qui va devoir être explicité au long de notre conversation. Oui. Votre thèse s'appelle « La fabrique médiatique de l'événement au XIXe siècle ». Je pense que quand vous la publierez, vous aurez un titre plus bref, plus ramassé. Le sous-titre, c'était « Jules Vallès, écrire et faire de l'histoire ». Écrire et faire de l'histoire. Pourquoi ce sous-titre ? Parce que Vallès est connu comme écrivain. C'est la trilogie qui l'a fait le mieux connaître. Il est connu aussi comme journaliste. C'est un des premiers reporters, on l'oublie peut-être trop. Mais c'est aussi un historien à sa manière, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la fin de ma thèse. C'est-à-dire que c'est un journaliste qui se fait historien militant, populaire. C'est ce qu'il dit dans la rue dès le Second Empire, c'est ce qu'il redit dans Le Cri du Peuple. Et un grand nombre de ses articles proposent une nouvelle histoire de son époque, puisque c'est une histoire qui accorde une place inédite au peuple et qui tente de rehausser l'importance de ses souffrances aux yeux de tous. Il a écrit quelque part « Je couds ma vie à la vie des autres ». Oui, c'est une belle formule très valaisienne qui dit l'importance de son imprégnation émotionnelle aussi vis-à-vis de ceux qui souffrent, des plus vulnérables, en effet. Il faut que nous comprenions comment cette personnalité s'est définie de façon originale à la rencontre entre un monde rural et une petite bourgeoisie en émergence, ce qui est d'ailleurs un élément de l'ambivalence de sa situation dont il a quelquefois souffert. Oui, Vallès est né en 1832 de parents d'origine paysanne. Ses deux parents sont d'origine paysanne. Ce sont des origines qu'il revendique toute sa vie, à la fois par fidélité à soi-même et aussi dans une volonté stratégique, une volonté de se rapprocher aussi de ce peuple auquel il veut accorder davantage d'importance. Et en même temps, par son éducation, il entre dans la bourgeoisie, même si il fera longtemps partie, en tout cas pendant une grande partie du Second Empire, de ce qu'on pourrait appeler une forme de prolétariat intellectuel, c'est-à-dire qu'il vit souvent dans la pauvreté malgré son travail d'écriture et de journaliste. Avec des parents qui sont obsédés par l'idée justement de s'extraire de cette situation quasiment prolétarienne, en tout cas paysanne, pour accéder à ce qui peut les fasciner, c'est-à-dire la bourgeoisie. Oui, surtout sa mère, Vallès présente sa mère dans la trilogie comme une mère très sévère, qui cherche avant tout à le faire entrer dans la bourgeoisie, qui veut lui inculquer les codes de la bourgeoisie, dont elle n'est pas originaire. Elle veut en faire un monsieur, pour reprendre les mots de Vallès. Et c'est ce qui explique l'emprisonnement qu'il ressent, l'emprisonnement vestimentaire par exemple, puisque les codes bourgeois sont en particulier vestimentaires. Sa mère lui fabrique des vêtements de façon assez symbolique, quasiment métaphorique, avec des tissus anciens qui prétendent parvenir à lui donner l'apparence d'un petit bourgeois. Oui, l'apparence bourgeoise est primordiale à ses yeux. Voilà. Ça se voit toujours. Eh bien, puisque vous parlez de sa mère, écoutez donc cet extrait de L'Enfant, le premier volume de la trilogie, qui est paru en 1879. C'est au chapitre 1 qui s'appelle précisément « Ma mère ». C'est un extrait de l'émission Panorama de France Culture, le 7 mars 1990. C'est une lecture de Bernard-Pierre Donadieu. J'ai été nourri par ma mère. Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en sais rien. Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baiseté. J'ai été beaucoup fouetté. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants. Et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi. Et rarement plus tard que 4 heures. Mademoiselle Ballandreau m'y met du suif. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. Vlin, vlan, zonzon, voilà le petit chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Mais un jour que j'avais levé mon pan parce que ça me cuisait trop et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vu. Mon derrière lui a fait pitié. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, ameuter les voisins autour. Mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver. Et elle a inventé autre chose. Lorsqu'elle entend ma mère me dire « Jacques, je vais te fouetter. Madame Vintra, ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. » « Oh, chère demoiselle, vous êtes trop bonne. Mademoiselle Ballandreau m'emmène, mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi, je crie. » Ma mère remercie le soir sa remplaçante. On voit ici, Céline Léger, que l'angoisse et les passions n'empêchent pas un certain humour. On évoque spontanément deux autres mères effrayantes. Je pense à Hervé Bazin, folle coche, ou à la mère de Poil de Carotte, dans Jules Renard. Madame Lepic, oui. Oui, cette mère de Vallès peut évoquer ces deux autres personnages, mais elle est moins sombre, elle est moins féroce. Elle est moins immuable aussi, c'est-à-dire qu'elle évolue davantage tout au long de la trilogie. Elle est plus tendre dans Le Bachelier. Et puis l'humour de Vallès, vous en avez parlé tout à l'heure, l'humour de Vallès permet de se soulager, de se libérer des souffrances qu'il décrit par ailleurs. Et c'est un humour qui est parfois piquant, mais qui n'est jamais méchant. Cette mère n'est pas sadique, contrairement aux deux autres. Non. Cette mère n'est pas perverse. C'est une mère qui est avant tout... obsédée par l'émergence dans une classe supérieure et en même temps frustrée. Oui, c'est une mère qui a subi aussi un déracinement. Elle vient de la campagne, elle s'installe en ville. Son époux, le père de Vallès, s'intègre progressivement à la bourgeoisie locale puisque sa carrière d'enseignant progresse, elle aussi. Puis en d'abord et finalement agrégé. Tout à fait. Tandis que cette mère tente de faire de son enfant un bourgeois, elle essaye de lui inculquer tous ses codes. Géographiquement, passage de Puy-en-Velay, région de l'agricole, et à Saint-Étienne, puis à Nantes. Tout à fait. Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne, Nantes, c'est le parcours que suit la famille au gré des mutations du père, d'ailleurs. Donc c'est une mère qui souffre aussi et qui a hérité d'une forme de stoïcisme paysan qui explique peut-être son rapport au plaisir, c'est-à-dire qu'elle brime sans cesse le corps de son enfant. C'est une manière pour elle de lui donner son amour, une manière paradoxale, mais on peut dire que l'amour n'est pas absent, du personnage de la mère dans la trilogie, même si c'est pas la première chose qu'on aurait à en dire. La famille se déplace donc à Nantes à mesure de la progression du père dans la hiérarchie de l'éducation. Et Nantes, c'est pas n'importe quelle ville, et elle va avoir un rôle très très important dans la formation de Jules Vallès. C'est un lieu où s'affrontent des traditions très très conservatrices dans la ligne de la guerre de Vendée et une bourgeoisie parfois protestante très très républicaine au contraire, incarnée par exemple par la famille de Georges Clemenceau. Oui, tout à fait. Quand Vallès arrive à Nantes, donc il a 13 ans et demi, puis arrive rapidement la révolution de 48, qui joue un rôle majeur dans sa formation politique de lycéen. Dès le 25 février 48, il s'enthousiasme de cette révolution. Il crée avec ses amis, dont un dénommé Chassin, ce sera le Matoussin de la trilogie. Il crée un club révolutionnaire de la jeunesse de Bretagne et de Vendée. Il manifeste. Donc il se forme politiquement par l'action, déjà. Moment décisif dans sa formation et peut-être dans son actualité aujourd'hui, puisque 48, c'est à la fois le début février, l'espérance un peu messianique, spiritualiste d'une république sociale, Marianne et la sociale, et puis le réveil très brutal, sanglant, des journées de juin où la bourgeoisie écrase le peuple, en fait, à Paris. Tout à fait. Valès est encore lycéen à Nantes au moment où surviennent les journées de juin. En quoi est-il marqué par ça ? Il est marqué par ce massacre des ouvriers qui protestaient contre la fermeture des ateliers nationaux. Et en même temps, c'est assez difficile de connaître sa pensée sur le sujet pendant toute une partie de sa carrière, puisque juin 48 ne peut être évoqué que par morceaux dans son œuvre. Il n'en parle même pas. Pourquoi ? Directement dans la trilogie, parce que c'est encore un souvenir trop vif, qui est donc censuré d'abord sous le Second Empire et compliqué à évoquer même après. Il est véritablement marqué par cette fracture qu'induit juin 48 entre les classes populaires et les classes bourgeoises. Comme toute sa génération, en fait. Tout à fait, et il l'éprouve très concrètement à plusieurs reprises ensuite, notamment lors du coup d'État du 2 décembre 51, lorsqu'avec d'autres militants, il souhaite s'opposer à ce coup d'État. Et là, il est à Paris, Il est à Paris, oui. À ce moment-là. Et déception, il s'aperçoit que personne ne suit. La rue ne suit pas, les classes populaires ne rejoignent pas les bourgeois, les étudiants, les bourgeois. Gauche, oui. Et c'est pour lui une énorme déception, une énorme désillusion qui dit combien le souvenir de 48 est encore vif. Oui, 48, c'est un moment effectivement fondateur à distance de Paris. Il raconte dans un article publié dans La Rue, c'est un journal qui a une triple naissance, toujours écrasé, ouais. Toujours renaissant, mais La Rue, c'est significatif. Comme titre, il dit « On m'avait acheté la semaine d'avant un chapeau neuf, j'ai piqué comme un insecte une cocarde. La cocarde était large et le chapeau énorme. Pour avoir l'air plus militaire, j'avais, je crois, mis des sous-pieds, j'étais fantastique, impossible. » Et puis il y a des clubs qui se forment. J'étais monté à la tribune, on cria « À bas le moutard !» C'est lui. Je répondis « J'ai l'âge de Barra et de Viala. J'ai lu Jean-Jacques Rousseau. Et je veux mourir comme Saint-Just. » On voit Le poids de la culture du personnage qui est déjà voué à le distancier par rapport aux classes populaires. Oui, tout à fait. Et en même temps, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est la manière dont il parodie, dont il caricature son propre état d'esprit de l'époque, son acquiescement un peu aveugle à l'exaltation républicaine qui est imprégnée de modèles anciens. Et c'est quelque chose qu'il mettra à distance de plus en plus fortement tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il pense qu'il ne faut pas trop chercher à imiter les révolutionnaires d'antan, nos pères, ces géants, comme il les appelle à propos de la Révolution française. Et ici, on voit bien comme il tient à distance par l'humour aussi sa propre exaltation républicaine. On voit en tout cas dans les années suivantes qu'il connaît à la fois la misère et la durée d'une ambition scolaire, puisque finalement il réussit, après plusieurs échecs, à devenir bachelier. Et on le sent avoir quelques difficultés, je ne sais pas si vous me rejoindrez sur ce point, à se définir entre les classes populaires et sa situation désormais spécifique de bourgeois en herbe, puisqu'il est déjà bachelier. Et écoutez ce passage qui me paraît tout à fait topique et éclairant. C'est un extrait du Bachelier, donc deuxième volume de la trilogie, qui est paru en 1881. Je l'emprunte à l'émission Relecture de Hubert Join sur France Culture le 18 juin 1975. C'est une lecture de François Mestre. Regardez-moi. Je suis vu avant l'âge. Pourtant, je n'ai jamais été un ivrogne ni un fainéant. J'ai toujours travaillé et j'en suis arrivé à 52 ans à gagner à peine de quoi vivre. C'est mon fils qui m'aide, c'est lui qui m'a acheté ces souliers-là. Il est marié, et je vole ses petits-enfants. Il parlait si tristement qu'il m'est venu des larmes. Essuyez ses yeux, mon garçon. Il ne s'agit pas de me plaindre, mais de réfléchir. Ne vous acharnez pas à vouloir devenir ouvrier. Commençons si tard. vous ne serez jamais qu'une Mazette. Et à cause même de votre éducation, vous seriez malheureux. Si révolté que vous vous croyez, vous sentez encore trop le collège pour vous plaire avec les ignorants de l'atelier. Vous ne leur plairiez pas non plus. Vous n'avez pas été gamin de Paris. Et vous auriez des airs de monsieur. En tout cas, je vous le dis. Au bout de la vie en blouse, c'est la vie en guenille. Tous les ouvriers finissent à la charité. Celle du gouvernement ou celle de leur fils. À moins qu'ils ne meurent à la Croix-Rousse. Oh, avez-vous donc besoin d'être ouvrier pour courir vous faire tuer à une barricade, si la vie vous pèse? Allons, prenez votre partie de la redingote pauvre, et faites ce que l'on fait quand on a eu les bras passés par force dans les manches de cet habit-là. Vous pourrez tomber de fatigue et de misère comme les pions ou les professeurs dont vous parlez. Si vous tombez, bonsoir. Si vous résistez, vous resterez debout au milieu des redingotes comme un défenseur de la blouse. Jeune homme, il y a là une place à prendre. Ne soyez pas trop sage pour votre âge. Ne pensez pas seulement à vous, à vos 100 sous par jour, à votre pain cuit, qui roulerait tous les samedis dans votre poche d'ouvrier. C'est un peu d'égoïsme, cela, camarade. On ne doit pas songer tant à son estomac quand on a ce que vous semblez avoir dans le cœur. Il s'arrêta, étreignit la main et partit. Il doit être depuis longtemps dans la tombe. Peut-être mourut-il le lendemain. Je ne l'ai pas revu. C'est lui qui a décidé de ma vie. C'est ce vieillard me montrant d'abord le pain de l'ouvrier, sûr au début, mais ramassé dans la charité, au bout du chemin, puis accusant ma jeunesse d'être égoïste et lâche vis-à-vis de la faim. C'est lui qui me fit jeter au vent mon rêve d'un métier. Je rentrai parmi les bacheliers pauvres. La redingote pour défendre la blouse, on est là vraiment dans toute l'ambivalence de la situation de Jules Vallès, dont il est arrivé de souffrir avant de s'en accommoder. C'est Zola qui disait de lui, il est condamné à laver la vaisselle et à conjuguer les verbes grecs. Oui, c'est un transfuge social en quelque sorte, Vallès. C'est quelqu'un qui a des origines populaires et qui progressivement entre dans le milieu littéraire de son époque. Et en même temps qui reste un réfractaire, c'est-à-dire un irrégulier, un marginal au début de la littérature, un peu comme tous ces réfractaires qu'il évoque dans le livre du même nom paru en 65 justement, et qu'il évoquera aussi dans d'autres textes comme... C'est un recueil d'articles. Tout à fait, paru en livre en 65. Et à travers le portrait des réfractaires, c'est aussi un autoportrait qu'il nous propose en fait. Toutes ces années du Second Empire sont marquées par ses velléités journalistiques et littéraires et sont marquées par de nombreux échecs, de nombreuses désillusions, une forme de pauvreté aussi. Et il est sans cesse acculé par les créanciers, par les dettes, jusqu'à ce que qu'ils connaissent le succès avec son premier livre, L'Argent, qui pour autant n'entraînera pas une réussite linéaire par la suite, mais c'est un réfractaire. L'argent concerne la bourse, c'est une commande pour évoquer la bourse, dont tu n'es pas d'ailleurs un adversaire absolu. Au fond, à l'écouter et à vous entendre, on voit bien qu'il exprime à la fois les réalités d'une classe moyenne en train de croître et la sociologie de la révolution au XIXe siècle, avec l'importance des marges, des lettrés qui ne sont pas intégrés et qui restent en solidarité avec les damnés de la terre. Tout à fait. C'est une forme de prolétariat intellectuel qu'il décrit, qu'il évoque, qu'il dénonce, dont il fait partie, qui se trouve dans une forme d'entre-deux, entre le peuple lui-même et la bourgeoisie, et qui résonne aussi avec notre époque, tous ces prolétaires intellectuels que l'on connaît, que l'on croise, qui écrivent des articles, qui écrivent des textes sans toujours être rémunérés. C'est un propos qui résonne encore, je trouve, aujourd'hui. Il y a une rencontre qui est importante pour lui à ce moment-là, c'est celle de Gustave Courbet. Je voudrais que vous y attardiez un instant. Ça incarne à la fois la rencontre entre l'écriture et l'art, et puis un personnage qui, lui aussi, du côté d'Ornans, en Franche-Comté, tient beaucoup à ses racines et a beaucoup réfléchi à celles-ci. Oui. Gilles Vallès rencontre Courbet en 1859. C'est le début d'une amitié profonde. Vallès et Courbet sont faits pour s'entendre, en fait. Ils arrivent tous deux de leur province natale. Ils arrivent à Paris avec beaucoup de choses à dire, à faire, à clamer. Ils ont beaucoup de points communs, notamment leur attachement à la figure de Proudhon. Proudhon est important pour l'un comme pour l'autre. C'est une figure majeure de l'anarchisme à cette époque. Le peintre comme l'écrivain, ils puisent des valeurs communes, notamment leur anti-autoritarisme, leur anti-intellectualisme, une forme de procès contre la rhétorique classique, ça c'est plutôt chez Vallès. Et puis Vallès, ce qu'il reprend aussi beaucoup chez Proudhon, c'est l'ironie. L'ironie qui permet de s'opposer aux injustices tout en s'en libérant. Il y a chez lui toujours une sorte de refus du conformisme. Même les révolutionnaires qu'il célébrait à d'autres moments n'ont pas toujours grâce à ses yeux. Il dit « Je hais Robespierre le déiste et je trouve qu'il ne faut pas singer Marat, le galérien du soupçon, l'hystérique de la terreur, le névrosé d'une époque sanguine ». Oui, Vallès rejette certains modèles révolutionnaires et en particulier une forme de dictature révolutionnaire, et ce sera le cas pendant la Commune puisque il ne cesse de s'opposer pendant la Commune de 71 à la mise en place d'un comité de salut public. Il prône la liberté illimitée de la presse, qu'il appelle la liberté sans rivage, contre les communards qui mettent en place des suspensions de journaux dès les premiers jours de la Commune. Et puis il s'oppose aux formes les plus violentes et les plus sanglantes de la Révolution. Tout en restant extrêmement méfiant à l'égard de tous ceux qui sont arrivés, comme on a dit à d'autres époques, ceux qui ont émergé des racines paysannes ou ouvrières, paysannes surtout, et qui, contrairement à lui, ne leur sont pas restés fidèles. Il y a un texte fameux que je voudrais vous faire entendre. C'est un article qui s'appelle « Cochon vendu », oui, qui est publié dans La Rue, son journal, donc le 30 novembre 1867, qui est diffusé dans l'émission Soirée de Paris d'Albert Riera le 9 juin 1957. Il faut dire que, vous allez le comprendre, les cochons vendus, ce sont les remplaçants. À l'époque, on pouvait, quand on tire un mauvais numéro pour le service militaire et qu'on était par conséquent voué à faire 7 ans de service militaire, on pouvait acheter un remplaçant. Tout à fait. Remplaçant qui était mal considéré dans les casernes. Écoutez. On appelait les remplaçants des cochons vendus. On les méprisait un peu au régiment, et il suffisait d'avoir remplacé pour être mal noté et condamné aux grades obscurs. Je n'ai jamais bien compris de quel droit on les méprisait ainsi. Chacun est libre de disposer de soi à sa façon, et le plus malhonnête des commerces n'est pas celui qui consiste à vendre loyalement sa peau contre un peu d'or. Cochon vendu, mais sans aller bien loin, ceux-là même qui, pour fuir la caserne, s'engagent à servir 10 ans l'université, que sont-ils ? Et le trafic, n'est-il pas plus triste, le métier plus lâche, quand on promet d'abdiquer au pied de qui vous paie, d'abdiquer toute liberté, quand on offre de trahir tous les jours sa pensée, de mentir tout haut, quand on a honte ou mépris tout bas? Séminariste ou normalien, qui te condamne à prêcher un dieu ou à vanter des hommes dont tu n'admets pas au fond de toi-même l'infaillibilité ou la gloire? Vaux-tu mieux que le cochon vendu? Il offre pour 1000 ou 1300 livres son corps pendant 7 ans. Mais vous, vous enchaînez votre âme. N'appelez plus le remplaçant d'un air de mépris un cochon vendu. Il se fait saigner au moins. Et vous vous faites nourrir seulement. Cochon vendu. Mais ne sont-ils pas de cette étable tous ceux qui, pour quelque argent ou quelques honneurs, pour un portefeuille, une écharpe, un ruban, font sous les pieds des grands litière de leurs convictions? Cet écrivain qui vend sa plume au plus payant, ce chroniqueur qui lèche les bottes et raconte comment on les cire, ce procureur de femmes, ce leveur d'affaires, ce brasseur de journaux, tous ces gars-là, cochons vendus. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Quelle verve dans cette condamnation, Céline Léger ? Oui, verve qui entraînera l'interdiction du journal La Rue, dans lequel est paru cet article. Donc journal de Vallès, créé seulement 6 mois auparavant. Et donc l'article Cochon vendu, qui est très percutant, puisqu'il dénonce toutes les servitudes volontaires qui cimentent l'ordre social, en fait, donc entraînera l'interdiction de son journal. Et d'ailleurs, après des écrits semblables, il se trouve en prison, on est sous le Second Empire, finissant, à Sainte-Pélagie, qui est un endroit où se retrouvent beaucoup d'opposants républicains, dans une ambiance qui n'est pas trop sombre d'ailleurs. Non, tout à fait. En 68, Vallès fait deux séjours consécutifs à Sainte-Pélagie, après un article dénonçant les iniquités de la justice et les brutalités policières d'abord, et puis à l'issue d'un article très séditieux et très subversif, là encore, qui est un chapitre inédit de l'histoire du 2 décembre, pour reprendre son titre, où il revisite littéralement l'histoire du 2 décembre, en s'intéressant surtout à la génération désespérée de 48. Et donc, c'est un article qui véhicule une forte critique de l'Empire et qui l'emmène à nouveau à Sainte-Pélagie. Comme vous l'avez dit, c'est une prison donc très politique, intellectuelle, qui n'est pas si inconfortable. Et c'est une prison historique puisqu'elle a accueilli, entre autres, Courbet, Proudhon, Blanqui, autant de compagnons militants de Vallès. Sa méfiance à l'égard des gens installés le pousse d'ailleurs à être très réticent envers Victor Hugo, qui est exilé et pourtant, comme lui, adversaire farouche, mais de l'extérieur du Second Empire. Il ne le retrouvera que plus tard, sous la Troisième République. Il trouve qu'il se donne une position un peu de mage, non sans quelques prétentions. Complètement. Vallès est assez féroce avec Victor Hugo, comme avec Baudelaire, par ailleurs. Il se réconcilie avec Hugo au moment de la Commune, et notamment après, à l'issue de la Commune, lorsque Hugo se montre très accueillant et très indulgent envers les communards. Et se bat pour l'amnistie de ceux-ci. Tout à fait. Et puis, chose plus intime et plus personnelle, mais qui n'est pas sans les rapprocher, Vallès souffre énormément de l'exil après la Commune, et donc il comprend les plaintes de l'exilé Hugo qu'il a pu railler auparavant. Il y a un texte intéressant où il dit « J'ai blâmé Hugo pour ses plaintes d'exil, j'en fais mon mea culpa, j'ai été méchant, j'ai dû paraître bête, etc. » Donc l'exil le rapproche également de Victor Hugo sur un plan plus intime. Mais avant de comprendre cet exil, il faut que nous arrêtions un instant, Céline Léger, sur la période évidemment essentielle de la Commune, et que vous nous montriez comment dans cette vie d'homme que nous évoquons aujourd'hui, celle de Jules Vallès, ce moment décisif s'inscrit et quelle importance il peut avoir quant à son déséquilibre fécond entre la fidélité aux classes populaires et le désir de parler haut et fort en intellectuel. Oui. La Commune est un objet historique étrange qu'on a du mal à cerner parfois. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est un événement fondateur chez Vallès. Un événement ambivalent, à la fois un couronnement, un aboutissement et une rupture. Une expérience nourricière qui va le façonner pour les années à venir. Et donc c'est une date clé dans son existence. Quel est son rôle ? Intime et politique. Il est élu pour la première fois. Il avait essayé d'être député à la fin du Second Empire. Oui. Mais en vain. Son score s'était perdu dans les tout petits chiffres. Et là, il est élu. Voilà, Vallès a échoué. Il est arrivé dernier aux élections législatives de 1869 contre Jules Simon et il devient élu de la Commune. Il a un rôle très important et donc il fait véritablement son entrée dans la vie politique à cette occasion. Il est très méfiant à l'égard des républicains qui lui paraissent des bourgeois un peu installés, les trois Jules en particulier, Jules Fabre, Jules Simon, Jules Ferry. Tout à fait. Il est féroce à leur égard avant la Commune et il continue à l'être pendant les années qui suivent. Pour lui, c'est une république conservatrice qui ne veut pas être sociale. Et puis Jules Fabre, c'est celui qui a passé accord avec les Prussiens vainqueurs. Et quelle est sa position à l'égard de la guerre et de la paix, cet homme-là ? Vallès est, au moment où la guerre est déclarée contre la Prusse, est pacifiste. Il manifeste à plusieurs reprises pour s'opposer à la guerre. Il est d'ailleurs insulté, traité de vendu à cette occasion. Et puis, par la suite, lorsqu'il s'aperçoit que la République nouvelle risque d'être assassinée, un peu comme elle a été en 48, lorsqu'il s'aperçoit que le gouvernement négocie avec Bismarck, etc., il s'engage activement et s'ensuivent donc la journée révolutionnaire du 31 octobre, la rédaction de la fiche rouge

Oui, valet. C'est-à-dire fertile par rapport à son action et elle, qui devient particulièrement fertile d'un point de vue littéraire, puisque c'est alors qu'il s'affirme vraiment comme un grand écrivain. Tout à fait. L'exil est la période sans doute la plus affreuse de son existence, si l'on en croit ses écrits, sa correspondance très riche qui nous fait visiter son atelier d'écrivain pendant l'exil et qui en même temps retranscrit toutes les difficultés quotidiennes matérielles de l'exil, sa souffrance morale, sa pauvreté, sa difficulté à se réinsérer dans la presse française à l'époque. Et en même temps, c'est une période très féconde puisque c'est la période durant laquelle il commence à écrire sa grande trilogie autobiographique. Il commence à écrire Jacques Vintras, qui deviendra l'enfant. Jacques Vintras II, qui deviendra le bachelier. Bon, pour l'insurgé, il faudra attendre son retour à Paris, comme s'il fallait qu'il rentre en France pour retrouver véritablement ses souvenirs communards, puisque dans l'insurgé, il est question de la Commune de Paris. Et donc, beaucoup de grands textes de Vallès, qui sont aussi peut-être maintenant ses textes les plus connus, naissent pendant l'exil. Il faudrait parler de La rue à Londres aussi, qui est un grand texte de Vallès qu'on connaît beaucoup moins. C'est un recueil d'articles qu'il commence à écrire pendant l'exil, qui est une forme de reportage social très novateur pour l'époque. Oui, nous l'avions cité ici dans une émission sur les rapports entre l'Angleterre et la France dans ces années-là. Oui. Que nous dit-il dans ce livre qui est en effet précieux ? La rue à Londres, qui sera donc publiée en livre quelques années plus tard et qui a été longuement travaillée par Vallès, c'est une œuvre à laquelle il tient beaucoup. C'est une série de textes de reportage social au sens où il s'immerge dans les rues londoniennes, dans les lieux ouverts comme dans les lieux fermés de la capitale anglaise. Et il décrit la société londonienne, ses misères, sa précarité, ses violences, parfois avec beaucoup de férocité. C'est ce qui d'ailleurs a pu être scandaleux auprès du lectorat anglais de l'époque. Il y a un texte très féroce contre la femme anglaise, qui peut être facilement taxé de misogynie, mais qui témoigne surtout de la mélancolie de l'exilé, et peut-être aussi d'une stratégie de sa part pour reconquérir le lectorat parisien à l'époque. En tout cas, si on met à part cet article un peu étrange, c'est un grand texte, La rue à Londres. Un témoignage très riche sur la capitale de l'époque. Et il revient naturellement pendant cette période sur sa mémoire, sur les thèmes qui ont nourri son œuvre antérieurement et qui vient irriguer les grands romans de l'autobiographie. Écoutez cet extrait du Bachelier où il évoque le lit de mort de son père qui est mort à peu près 50 ans, prématurément même à cette époque. C'est une lecture de Michel Bouquet dans l'émission « Soirée de Paris » d'Albert Hiera le 9 juin 1957. C'est la première fois que nous sommes à côté l'un de l'autre, tranquille, ou dans un silence sans colère. Nous avons été longtemps deux ennemis. On se raccommoda, mais la réconciliation prit une soirée. La lutte avait duré 10 ans. Cela, parce que nous avions lâché la terre, la belle terre de la bourre sur laquelle nous étions nés. Par le calme de cette nuit, à travers la croisée restée entr'ouverte, j'aperçois là-bas de vieux arbres. Je vois une meule de foin, la lune étant de l'argent sur les prés. Ah, j'étais fait pour grandir et pousser au milieu de ce foin, de ces arbres. J'aurais été un beau paysan. Nous nous serions bien aimés tous les trois, le père, la mère et le garçon. C'est bien du sang de village qui courait sous ma peau, gourmande de grand air et d'odeur de nature. C'est eux pourtant qui voulurent faire de moi un monsieur et un prisonnier. Eh bien, je me rappelle que je voulus me tuer à 12 ans, parce que le collège était trop triste et trop méchant pour moi. Oui, mon père, vous qui êtes là, avec votre front pâle et glacé comme du marbre, sachez que comme écolier, j'ai souffert jusqu'à vouloir être la statue froide et dure que vous êtes aujourd'hui. Vous ne vous doutiez pas de mon supplice. Vous pensiez que c'était grimace d'enfant, et vous me forciez à subir la brutalité des maîtres, à rester dans ce bagne, par amour pour moi, pour mon bien, puisque vous pensiez que votre fils sortirait de là un savant et un homme. Je ne suis devenu savant que dans la douleur, et si je suis un homme, c'est parce que, dès l'enfance, je me suis révolté. Même contre vous. Occasion de saluer Michel Bouquet, qui est, comme toujours, un lecteur admirable. Céline Léger. Mais cette relation avec le père renoue avec le début de notre conversation. Oui, tout à fait. Il est encore question de ses origines paysannes. C'est un leitmotiv. Paysan-ouvrier. Enfin, tout à fait. L'ouvrier refusait qu'il le soit tout à l'heure, mais il rêve d'être resté paysan. C'est un rêve qui s'est en même temps fracassé contre la réalité de sa vie, et qui est peut-être artificielle à ce moment-là, non ? Oui, c'est aussi une contradiction très forte chez Vallès. Son attachement sans cesse proclamé à la grande ville, à Paris, à ses combats, au militantisme qu'il a pu y découvrir, et en même temps son amour indéfectible pour ses origines paysannes, pour l'environnement de la Haute-Loire dans lequel il a grandi et au sein duquel il a éprouvé pour la première fois cette liberté sans rivage à laquelle il reviendra indéfiniment. Quand il était enfant, Vallès aimait plus que tout les séjours qu'il conduisait chez ses oncles et ses tantes restés à la campagne, à quelques kilomètres du puits envelé. Et il y a une formule qui est intéressante. Vallès dit qu'il a beaucoup combattu à Paris, qu'il tient à cette ville, mais qu'il tient par les racines à la terre des champs. Et il dit aussi « j'ai du sang de paysan dans mes veines » pour souligner cet attachement indéfectible à la campagne, finalement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est qu'il parle du suicide comme d'une tentation répétée pendant l'enfance pour échapper aux souffrances. Alors ça, c'est la tentation la plus sombre. Et heureusement, il avait d'autres échappatoires aux souffrances induites par la cellule familiale ou par la prison de l'école. Il s'échappait souvent à la campagne. Et ses escapades rurales furent une fuite plus positive que le suicide l'aurait été. Il faut que nous terminions notre conversation, Céline Léger, en faisant surgir dans nos propos une personnalité qui a beaucoup compté et qui a été une forme de bonheur final pour Jules Vallès. C'est la personnalité de sa collaboratrice essentielle qui a été Séverine, qui est l'exemple d'une grande journaliste en cette période où il y en avait très peu. Restituez-nous Séverine. Séverine est une rencontre déterminante pour Vallès vers la fin de sa vie. Il la rencontre en 1880, donc à la toute fin de l'exil, et puis il la revoit très vite à Paris, puis à Londres lorsqu'il s'agit justement de retravailler sur ce grand reportage social que sera La Rue à Londres. Et puis Séverine est une compagne au sens où elle l'accompagne, où elle l'aide dans les dernières années de sa vie. D'autant que Vallès souffre du diabète dans les 5 dernières années de sa vie. Il commence à être très fatigué et donc elle est d'une aide très importante pour lui. Elle joue un rôle considérable dans la refondation du Cri du Peuple en 1883. Renaissance de ce grand journal dont le titre reste topique. Renaissance de ce grand journal né peu de temps avant la Commune, fondé par Vallès. Grand quotidien populaire, grand organe de combat révolutionnaire et socialiste, tribune ouverte à tous. C'est un leitmotiv du Cri du Peuple que reprendra Séverine et elle sera fidèle à l'esprit libertaire que Vallès avait insufflé à ce journal jusqu'en 1888, date à laquelle elle quitte le Cri du Peuple. Mais Séverine porte haut les combats de Vallès et elle se considère en quelque sorte comme la garante de sa mémoire. Elle revient très souvent dans ses écrits sur les funérailles de Vallès, sur son héritage, sur ses combats, sur aussi, moins souvent, mais c'est intéressant quand même, sur un Vallès plus intime, qui n'est pas le socialiste assoiffé de sang qu'on décrit souvent, mais qui est un brave homme, tendre, bourru, mais brave, etc. Le premier recueil d'articles de Séverine, qui s'appelle « Page rouge », significativement, et qui était publié en 1893, c'est-à-dire 8 ans après la mort du maître, lui est dédié avec cette formule « Le peu que je sais, le peu que je suis, mon maître inoublié, je vous le dois. Vous m'avez appris à voir, à entendre, à méditer, à compatir surtout aux grandes misères des pauvres gens. Ces pages sont donc vôtres, incertaines et balbutiantes souvent, comme les devoirs d'une écolière trop tôt privée de leçons et qui essaye de se souvenir. Ça aurait presque pu être une épigraphe pour notre émission et notre conversation, Céline Léger. Et pour finir, donnons la parole à Séverine. Voilà un texte d'elle, Souvenir de la mort de Vallès, dans l'émission L'humeur vagabonde de France Inter, le 16 décembre 2010. À la suite du 2 décembre 1851, Vallès fut interné par son père à l'asile d'aliénés de Nantes. Une nuit, Vallès fut attaqué par un fou se prenant pour un chien, marchant à quatre pattes et jappant. Sa langue écumeuse pendait entre ses crocs démantelés. Il lécha le nouveau venu et Vallès se débattit. Furieux, le forcené lui fendit le crâne d'un coup de sabot et se mit, gloussant de joie, à laper le sang. Au matin, on les trouva tous les deux, l'un sans connaissance, l'autre barbouillé de rouge et comme saoulé. Plus de 35 ans plus tard, la cicatrice faite par le sabot du fou se distinguait encore parmi les cheveux blancs. C'est sur elle que se sont fixés mes yeux, tandis que l'on mettait Vallès au cercueil. Elle m'a fait comprendre bien des haines, bien des colères, bien des farouches rancunes devant lesquelles j'étais demeurée étonnée tout d'abord. Et je me suis dit que, toujours, à cause d'elle, je défendrais les opprimés contre l'arbitraire, contre l'injustice, contre l'assassinat légal de leur raison, le meurtre de leur liberté. Séverine, journaliste au cri du peuple. Ce texte vous paraît sonner juste, Céline Léger, par rapport à ce que vous savez des relations entre Séverine et Vallès, qu'on pourrait d'ailleurs replacer dans une réflexion, une information sur Vallès et les femmes, Vallès et les enfants. Et il a eu un enfant dans ces années-là et il l'a perdu, ce qui était une grande douleur. Oui, pendant l'exil. Oui. Parmi les douleurs terribles de l'exil, Vallès perd en effet une petite fille au bout de 9 mois. Une petite fille qu'il aurait voulu rendre heureuse, après avoir beaucoup subi sa propre enfance. Et donc ça reste un deuil effectivement important pendant ces années très sombres passées à Londres. Ce texte de Séverine évoque en même temps un épisode qui glace le sang, qui est le moment où le père de notre personnage, mécontent de ce qui lui apparaissait comme des extravagances politiques, a obtenu qu'il soit enfermé dans un asile de fous pendant quelque temps, ce qui était autorisé en effet à la famille à l'époque. Il est déjà avancé en âge, et on est après le coup d'état de 1851, et ce que le père a su, à son inquiétude évidemment de fonctionnaire qui risquait d'en avoir des inconvénients, a su de l'attitude de son fils à Paris, il revient à Nantes et il le fait. Il l'a fait interner. Tout à fait. Son père use d'une loi qui permet de faire interner abusivement des proches, notamment quand ils contreviennent aux options politiques de la famille. Et le père, très en colère contre son fils qui s'est impliqué dans la résistance au coup d'État quelques temps auparavant, fait faire un faux certificat médical qui donc entraîne l'internement de Vallès à Nantes pendant quelques semaines. Il en sort et ensuite il devient bachelier, donc l'année d'après s'avère un peu plus réjouissante pour Vallès, mais c'est un traumatisme dans son existence, d'autant que on peut rappeler que sa sœur, sa petite sœur Marie-Louise, a été elle-même très longuement internée dans une maison de santé mentale où elle est morte à 24 ans. Et c'est un épisode fait pour être rattaché à Michel Foucault d'une certaine façon. Oui, l'histoire de la folie. Les surveiller et punir est une devise que Vallès pourrait faire sienne pour dénoncer les lieux d'enfermement et en particulier les asiles à cette époque. Et qui témoigne de la brutalité formidable d'une époque dont on a, à l'égard des faibles, à l'égard de tous ceux qui ne pouvaient pas se défendre, dont on a parfois perdu la connaissance aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Céline Léger, merci beaucoup. On va attendre votre thèse qui est à paraître aux éditions des Presses de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui était une des villes de Vallès, c'est par hasard? Oui, ce n'est pas un hasard. Comment l'appellerez-vous cette thèse? Jules Vallès et la fabrique médiatique de l'événement. Très bien, nous sommes gourmands de la connaître. Je dois rendre hommage à d'autres auteurs. il y a le grand maître des études sur Vallès, que vous appréciez beaucoup, je sais, c'est Roger Bellay, qui est mort à la fin du XXe siècle et qui a publié dans la Pléiade l'œuvre de Vallès en deux volumes, article et trilogie, tout et qui fait. A publié une biographie magistrale chez Fayard, qui s'appelle Jules Vallès. Vous en êtes servi beaucoup ? Beaucoup. Bellay a fait un travail magistral sur Vallès et je dois beaucoup à ce grand spécialiste. Il existe aussi une société des amis de Jules Vallès qui publie régulièrement une revue ? Tout à fait. Fondée par Roger Bellay, justement. Et maintenant, Corinne Samnier-Dayer-Perrin fait un travail formidable pour la revue Autour de Vallès, qui est une revue sur Vallès, mais aussi sur ses contemporains, sur l'époque de Vallès. Vous rendez hommage à Corinne Samnier-Dayer-Perrin. Elle a publié aussi une biographie de Jules Vallès dans la collection Folio, qui est extrêmement précieuse et que je sais que vous appréciez. Tout à fait. Un autre ouvrage est consacré à Séverine et Vallès de Christiane Douillère de Melaner. Vous trouverez, je vous le rappelle, des informations plus complètes sur le site de l'émission. La semaine prochaine, nous reparlerons de la peste. Je pense que ce sera la dernière fois. Mais c'était une émission que nous avions prévue pour le mois de mars et qui sera consacrée à un des moments, une des pandémies peut-être les moins souvent considérées, pourtant essentielles, c'est celle de Justinien au VIe siècle après Jésus-Christ. J'inviterai pour en parler Claire Sotinel. Et lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine, je le cite, à l'histoire des expériences républicaines. Jules Vallès, ce ne sera pas tellement loin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Cindy Legrumelec, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Marie Chauveau. Et puis une fois de plus, je tiens à remercier la documentation et la bibliothèque de Radio France, qui nous apportent toujours un appui très précieux. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent, pour son émission Affaires étrangères. Thank you.